prepare for battle. Prepare for battle. J'ai rappé comme un fantôme et j'ai ressassé mon époque. Je suis comme cette fumée dans mon bloc. Mes mains me tiennent la tête. Seul face à mes dents, assis sur un banc dans ma tête. J'essaie de rapper des textes. À cette heure-ci, j'ai plus d'inspi. Il me faudrait une tête de Jack, un bédo pour l'inspi. Avant que les frères saturnophones, il faut que je parle en chantant. Désolé, moi je descends là, je veux pas suivre la tendance. Mon bras droit est au star, mon gauche fait des cauchemars. Ma tête part en couille, je dois esquiver les combats. Avant de faire pleurer ma plume, mec j'ai pleuré moi-même. Sur les routes, les chemins sans cune, j'ai aperçu ma vie de merde. À force de travailler, j'ai vu l'équipe monter la pente. J'ai vu la lumière arriver avant de me cogner dans la porte. Je reste sur mes gardes, il faut garder la foi. Je prendrai pas de gras partout et nulle part à la fois. Frère, ne baisse jamais les bras. La vie est un combat, tête haute on s'en passera. Frère, reste fier, trop de mecs cherchent à te juger. Ils sont de plus en plus jaloux et veulent te gruger. Frère, ne baisse jamais les bras. La vie est un combat, tête haute on s'en passera. Frère, reste fier, trop de mecs cherchent à te juger. Ils sont de plus en plus jaloux et veulent te gruger. La galère m'entraîne dans le mal, ça fait de moi un coupable. Et les coups durs font les coupures, sans cutter dans mon cartable. Depuis l'école, je pète des caps, je suis trop influençable. En attendant, t'as qu'à me dire, ajoute ton grain de sel sur la table. Je me suis vu déprimé, je reviens mélancolique. Un speak, un de 10 ans, et mec, moi j'ai pas eu d'inscrit. J'ai tout appris moi-même, ne me dis pas ce que je dois faire. Mon exemple reste l'aîné, je suis celui de mon petit frère. J'en place une pour moi-même. Mes galères à la gare, je me suis souvent trouvé seul pour rentrer jusqu'au pied car ma plume voulait que je rappe et moi je faisais la tête. En vrai gros j'ai eu tort, y'a quelqu'un qui me donnait la pêche. Avant de finir sur ce couplet, faut faire dégager la salle. Ma femme sait pas encore que je vais lui déclarer ma flamme. Les mecs, les frères, fiers et forts dans nos têtes. Il faut rester tout niqué, c'est pas pour rien si on s'embête. Frère, ne baisse jamais les bras, la vie est un combat, tête haute on s'en passera. Frère, reste fier, trop de mecs cherchent à te juger. Ils sont de plus en plus jaloux et veulent te gruger. Frère, ne baisse jamais les bras, la vie est un combat, tête haute on s'en passera. Frère, reste fier, trop de mecs cherchent à te juger. Ils sont de plus en plus jaloux et veulent te gruger.